Exercice 6, page 52. A. Ma mère? Elle est banquière. B. Ma grand-mère? Elle est secrétaire. C. Ma sœur? Elle est notaire. D. Ma demi-sœur? Elle est pâtissière. E. Mon frère? Il est chanteur. F. Mon beau-père? Il est directeur.